Side. Ok, truand de la galère. Aliéné, ma man maestria. Comme à l'ancienne, le son du terre-terre. Ok, ok. Les MC à ma bite roulent des pelles. Arrêtez, tu sais, je vous envoie vous faire pète. À cette heure-ci, pointeurs sont les prêtres. Viens pas tester sinon, coup de pelle. Bienvenue chez moi, t'es à la bande de Gaza comme une roquette. Valse au doigt, j'envoie ça 9-5. Emmerde les ch'tards, la douane et la brigade des frontières. Dardard, les darons, les convoque et les montre à la mère qui pleure, qui prie, qui crie. La tristesse encadre toute notre vie. L'esprit torturé, je te jure, je te tuerai si tu me trahis. Check les housses, je te traque, j'ai du sang irlandais, mais plus d'alcool qui coule dans mes nevers. On relie pas notre foi, tu portes tes épreuves ou ta croix. Y'a sept portes et sept cieux. Le son du terre-terre vient d'en bas, aliéné conçu pour des siècles comme les massas. Ça bédave, ça pillave et ça kick grave. M-A-M-A-T, d'abord le Nord représente. Si on plaisante pas, tu veux du shit, y'en a des armes, on a hardcore. Dans les stompas, t'oses pas dans l'estomac. Gangs des shit, Renoir. Les MC à ma bite roulent des pelles. Arrêtez, tu sais, je vous envoie vous faire pète. À cette heure-ci, pointeurs sont les prêtres. Viens pas tester sinon, coup de pelle. Les MC à ma bite roule des pelles. Arrêtez, tu sais, je vous envoie vous faire pète. À cette heure-ci, pointeurs sont les prêtres. Viens pas tester sinon, coup de pelle. Ils sont du terre-terre, c'est moi qui le fais. Venez pas test, les héros, vous êtes faits. Car quand je pose, tu sens que vous êtes faits. Car quand je rappe, t'as la gaule, ça c'est l'effet. À l'heure où je débarque, faut ta gueule, tu la fermes. Y'a pire que le ferme, négro, y'a l'enfer. Tu veux rapper à ma hauteur, prends des enfêtes. Viens pas sur mon terre-terre, sinon c'est ta fête. Ah, ça bicrave du 16 et du 12. Sur l'instru, c'est la partout. Lyrique 2-2, calibre 12. Aliéné depuis le départ, représente la banlieue nord. Faut que les halkis mangeurs de porc. On est là pour défoncer des porcs. Faut défoncer les porcs. Un putain de son que je déporte. Maman d'aliéné, c'est de la dure. À cette heure-ci, je rate, fais pas de pèse. M'amène pas tes potes, sinon je les pèse. Si à ma bite roule des pelles. Arrêtez, tu sais, je vous envoie vous faire pète. À cette heure-ci, pointeurs sont les prêtres. Viens pas tester sinon, coup de pelle. Les MC à ma bite roule des pelles. Arrêtez, tu sais, je vous envoie vous faire pète. À cette heure-ci, pointeurs sont les prêtres. Viens pas tester sinon, coup de pelle.